Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour. Tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur, au grand jardin d'amour, petite fleur. Merci beaucoup.